Paul la reine, la chèvre d'or, quatrième partie. Chapitre 16. À Monte Carlo. Gantôme est venu m'éveiller, rayonnant, plein d'enthousiasme. Hier, au Bacchus Navigateur, où il dînait seul en m'attendant, ainsi que cela lui arrive parfois, pendant que je courais la montagne, Gantôme a entendu causer le Turc. Or, ce Turc me connaît, paraît-il, et racontait sur moi des choses étranges. Mais il faut ici que j'ouvre une parenthèse et que je fasse un pénible aveu. Pas très loin du Puget Mort, 8 ou 10 heures de voyage, mais l'oiseau d'un coup d'aile franchirait les quelques bois de chêne-liège ou de pin, les quelques montagnettes brûlées et les quelques promontoires blancs qui l'en séparent, est un singulier pays par ses habitants, appelé Mounègue, mais plus connu pour les Français, sous le sobriquet italien de Monaco. Monsieur Honorat prétend même, laissons-lui la responsabilité de cette affirmation, que par certains jours clairs, avec une bonne lunette, on peut, du haut de ma tour, découvrir sur son roc trempant dans la mer le vieux Monaco Moyen-Âge. Plus bas, Monte-Carlo, ses jardins de marbre, ses palais et entre eux le petit port d'Hercule où des tartanes se balancent. Je vois mieux cela dans le souvenir. Et surtout, je me vois moi-même, il n'y a pas 2 mois, accoudé aux balustres d'une terrasse, respirant l'air salin qui m'apporte l'odeur des myrtes, écoutant les palmiers chanter, admirant la splendeur frissonnante du golfe. Personne encore. Et au milieu de ce décor féerique, mis parti de nature et d'art, une délicieuse et paradoxale solitude. Mais 6 heures sonnent. Un train siffle, le train de Nice, avec son chargement quotidien de joueuses et de joueurs. Par les rampes en escalier, où déjà les gaz s'allument dans le jour mourant, la foule défile. Des hommes fiévreux, mais corrects, des femmes plus visiblement passionnées, dissimulant moins leur impatience de se retremper au bain d'or. Et maintenant, laissons briller là-haut les inutiles étoiles qu'aucun regard ne cherchera. De troublants parfums féminins ont remplacé l'odeur des roses. Les palmiers et les flots cessent leur dialogue, semblant exprès faire silence pour qu'on entende seul le bruit des louis remués. Avant ma retraite chez Patron Ruff, et sur le point de mettre à exécution mes projets de sagesse définitive, j'avais donc voulu, je l'avoue, goûter une dernière fois aux sensations violemment contrastées que Monte-Carlo peut procurer. Passant mes journées en plein air, rêvant de Virgile sous les pins, ou m'endormant en compagnie de Théocrite au creux d'un rocher, sur le rivage, j'éprouvais le soir une âpre joie à me mesurer, tantôt vainqueur, tantôt vaincu, avec l'or, César méprisable et tout-puissant, qui commande au monde. Bref, une semaine durant, ayant affecté une certaine somme à cet usage, j'exerçais l'état de joueur, et de beau joueur, paraît-il. Car la nuit où je perdis mon dernier écu, les beautés cosmopolites du lieu, américaines, moscovites, parurent compatir à ma peine. Et le grand diable de laquais à gilet rouge, providence des gosiers rendus arides par l'angoisse, m'offrit sur un plateau d'argent le traditionnel verre d'eau pure avec une visible considération. Il y a mieux. Un de ces honorables chevaliers, professeur sans diplôme de roulette et de 30 et 40, dont l'industrie consiste à révéler les arcanes de l'art aux joueurs novices et à leur apprendre, Midas en redingote râpée, la marche infaillible pour faire sauter la banque chaque soir. Monsieur Pascal, oui, Monsieur Blaise Pascal, va me retrouver. Il avait bien ce Monsieur Blaise, un titre à désinence italienne, et sur ses cartes, quelque chose ressemblant à une couronne de comte, mais on l'appelait plus volontiers à Monaco Blaise Pascal, car il n'acceptait jamais rien pour ses consultations, se contentant de vous faire souscrire, cela coûtait généralement un louis ou deux, à une édition avec notes et commentaires prête à paraître le lendemain depuis 20 ans du traité de la roulette que composa, comme chacun sait, l'illustre auteur des provinciales. Historia Trochoidis Sive Cycloidis Gallis la roulette. Un mystificateur avait soufflé cette idée au bon professeur de martingale, lequel, sur la foi du livre imprimé chez Guillaume Després, rue Saint-Jacques, à l'image Saint-Prosper, traitait Blaise Pascal en confrère, et ne doutait pas qu'il eût été un illustre grec du temps de Louis XIV. Lieu de l'entrevue, la place du Palais des Jeux, devant le grand café qui fait face à l'hôtel et par-delà ses toits, regarde la Turbie. Car depuis longtemps, Monsieur Pascal n'était plus admis à pénétrer dans les salons. « Il paraît, me dit-il, après s'être offert un verre d'absinthe, tribut volontiers accepté par moi en échange de ses bavardages, parfois amusants. Il paraît que vous repartez pour Paris. Décidément, la bille ne vous aime pas. » Non plus que les cartes, et vous avez raison de renoncer à les attendrir. Je m'inclinai, témoignant par là combien cette constatation tardive me paraissait justifiée. Mais j'ai mieux à vous proposer. Ne vous gênez pas. Proposez, mon cher monsieur Blaise. Une affaire immense, stupendo! Monsieur Blaise baragouinait italien au moment de grandes émotions. Une affaire étonnante, mirabiliosa! Des millions, des milliards, de quoi acheter Monte-Carlo, Monaco et la France entière. Rien qu'avec une mise de fonds misérable, 10 000, 15 000 francs tout au plus. Et le voilà, me racontant je ne sais quelle nébuleuse histoire de trésors cachés, de secrets surpris par un matelot. Il ne s'agissait plus, et pour cela, l'argent était nécessaire que de mettre la main sur de vieux papiers, des manuscrits, surtout un mystérieux objet dont le détenteur ne voulait pas se dessaisir. Le matelot s'en chargeait. Mais il fallait de l'argent, et pour cela, une petite argent. En tout autre endroit, la proposition me fait sourire. Elle n'avait rien d'extraordinaire à Monaco, où j'ai vu se brasser, entre gens d'ailleurs convaincus, des affaires bien autrement chimériques. Et puis, pourquoi marchander l'espérance de cet excellent monsieur Pascal? Je ne lui dis ni oui, ni non, demandant à réfléchir, promettant une réponse aussitôt mon retour, poussant même la condescendance jusqu'à me laisser présenter le matelot en question, que nous trouvâmes abominablement ivre dans un cabaret de la Condamine. Je ne m'étonne plus, quand je le rencontrai, d'avoir trouvé au beau Galfard un air d'ancienne connaissance. Le matelot ivre, l'homme au trésor. Je m'en rendis compte, c'était lui, dans son long récit, écouté par moi d'une oreille relativement distraite. Maître Blaise Pascal a-t-il, à propos de trésors, prononcé le nom du puget mort? Et Galfard, au milieu de ces effusions affectueuses auxquelles j'eus quelque peine à me soustraire, laissa-t-il par hasard échapper le mot de chèvre d'or? c'est ce que je ne saurais me rappeler, et en tout cas, je ne le remarquai point. Cependant, Kalfar s'imagine, non sans une apparente vraisemblance, que je suis venu au Puget traîtreusement sur les indications de maître Blaise Pascal et les siennes, que je veux conquérir à moi tout seul les trésors de la chèvre d'or, et que mes courses à travers champs, l'attention que je prête aux papiers anciens, mon intimité même avec M. Gazan et Norette, n'ont d'autre but que la découverte du secret. Tel est le résumé du rapport ému que m'a fait Gantôme, touchant la conversation par lui surprise hier au Bacchus Navigateur.